Bonjour à vous, les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles. C'est parti pour l'aventure. Internet. Le monde entier offert entre nos mains. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Aujourd'hui, il serait inenvisageable de ne pas surfer sur le net pour regarder des bêtises. Je suis tellement vieux. Ou juste laisser passer le temps qui défile à une vitesse, je ne vous en parle pas. Qu'est-ce qu'Internet ? Google, Facebook, Jackie, Eurosport, Wikipédia, Blast, Michel, pas que. C'est des millions de réseaux à commutation de paquets sans centre névralgique. Les données échangées sont retransmises grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données, lesquels permettent différentes applications, comme le courrier électronique, le World Wide Web, la messagerie instantanée, le passage de fichiers en pair à pair ou peer-to-peer, le streaming, etc. Avant que notre version d'Internet ne tenant debout que grâce à des tonnes de câbles enfouis au fond des océans, il y avait, aux États-Unis, ARPANET, pour Advanced Research Project Agency Network. Notez mon accent anglais sur 40. L'un des premiers réseaux informatiques, construit en 1969 comme un support robuste pour transmettre des données militaires sensibles et pour relier des groupes à la pointe de la recherche à travers le territoire, le tout sur des machines plus grosses que Obélix. Je suis pas gros. Mais en France, on avait aussi Internet. En mieux. C'était le projet de réseau Cyclades. Cyclades, comme les îles grecques, faisait partie du plan calcul du général de Gaulle. Projet souhaitant réveiller l'informatique dans une France qui disposait de 30 fois moins d'ordinateurs que les États-Unis d'Amérique, le plan calcul s'est mis en place suite à l'évolution des besoins d'automatisation industrielle créés par le programme nucléaire français et les risques de rupture de barrages hydrauliques après les milliers de morts de 1959 et de 1963 respectivement à Malpassé et Vajon. Je vous ai compris. Différents succès sont à mettre sur le dos de ce plan. La SNCF présente en octobre 1966, année de naissance de ma maman et de ma tata, les démons sur Terre, un service permettant de réserver des places via des écrans imprimant le billet à distance. À la RATP, on a créé le RER d'Île-de-France. Et si je comptais combien on est ? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Et automatiser la distribution et le contrôle des titres de transport avec un petit calculateur centralisant en temps réel toutes les informations sur les ventes de billets et sur le passage des voyageurs. Remarquez que ces entreprises ont été détruites par un seul et même homme. L'ancien Premier ministre Jean Castex est placé en garde à vue pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics. Il y a également la création d'un champion français de l'informatique baptisé Compagnie Internationale de l'Informatique, C2I, que l'on reverra plus tard. Revenons à ce qui nous intéresse vraiment, le projet de réseau Cyclades. En 1970, suite à la visite d'une délégation française chez BNN aux États-Unis, le projet ARPANET est connu en France. Cyclades était un projet expérimental français ayant pour but de créer un réseau global de télécommunications utilisant la commutation par paquet. Créé en 1971, ce projet fut abandonné et nous verrons pourquoi plus tard Valérie jeté dans le viseur. En 1973, l'INRIA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, avec Louis Pouzin, Hubert Zimmermann, Gérald Leland et Michel Elie, pose les bases d'un Internet français au sein d'un réseau baptisé Cyclades après avoir élaboré le concept de datagramme. Le datagramme est une entité de données complète et indépendante qui contient suffisamment d'informations pour être amenée de la source à la destination sans avoir à se fier aux échanges préalables entre cette même source, la machine de destination et le réseau de transport. À la différence du mode circuit virtuel, il ne garantit pas l'ordre d'arrivée des paquets. Imaginez une photo découpée en plein de petites photos, voyageant chacune de son côté, pour arriver chez le même destinataire, qui doit recoller la photo morceau par morceau afin qu'elle soit identique à celle de l'envoi. Cyclades est donc le premier grand réseau permettant de communiquer des paquets de données adressées, n'ayant pas besoin d'être transmis groupés. Chaque paquet peut emprunter librement la ligne la moins encombrée, et il ne se regroupe qu'en arrivant à destination. Ce concept est l'une des bases de l'Internet que nous connaissons, la commutation par paquet. La commutation par paquet est une méthode de regroupement de données qui sont transmises sur un réseau numérique sous forme de paquets composés d'entêtes et d'une charge utile. Les données de l'entête sont utilisées par le matériel de mise en réseau pour diriger le paquet vers sa destination où la charge utile est extraite et utilisée par le logiciel d'application. Reprenons notre photo. Chaque morceau de la photo, qui voyage indépendamment, est envoyé à un relais qui ensuite l'enverra au relais le plus proche, ainsi de suite jusqu'à destination. Le réseau que Louis Pouzin voulait appeler Mitranet, en référence à l'ordinateur Mitra 15 de la C2I, reliera 25 ordinateurs à son apogée de laboratoire basé en France, à Londres et à Rome. Comme nous ne sommes pas dans un conte de fées. La France. Un autre réseau sera développé parallèlement par les postes et télécommunications, ancêtres de la poste. Transpac fait un choix plus conservateur. On choisit certes pour chemin celui qui est censé assurer le meilleur débit au moment de la connexion, même si c'est pas le plus court. Mais celui-ci restera figé jusqu'à la fin de celle-ci. Il n'y a donc pas besoin de réassemblage, mais le réseau est utilisé avec une moins bonne granularité, la connexion au lieu du paquet. Avantage obtenu en contrepartie, moins de développement logiciel, Transpac sera immédiatement opérationnel. Une infrastructure de contrôle plus légère, il n'est pas très grave que la recherche du meilleur chemin prenne un peu de temps si on l'a fait une fois par connexion et non par paquet. Inconvénient additionnel, un nœud ne peut guère se permettre de lâcher une fois la communication établie. Elle sera alors perdue et à recommencer entièrement. Les PTT, postes, télégraphes et téléphones, et leurs fournisseurs attitrés, la CGE, Compagnie Générale d'Électricité d'Ambroise Roux, vice-président du Conseil National et du patronat français, anciennement le MEDEF, qui veut affubler 557 heures pour les intermittents au lieu de 507, en sachant déjà que 507, c'est très compliqué. Bande de saligots. Il s'oppose à Mitranet, c'est étonnant. Craignant une alliance entre Thomson, actionnaire de la Compagnie Internationale pour l'Informatique, Philips et Siemens, à ses dépens, surtout dans les équipements téléphoniques à la PTT, où de grosses commandes sont attendues, la CGE menait une politique active de lobbying pour consolider ces situations de quasi-monopole. Ils ont tellement pesé dans les débats de l'ombre qu'Ambroise Roux a fait pencher le vote des patrons en faveur de Valéry Giscard d'Estaing, ou Giscard si on sait que la particule d'Estaing a été donnée à Edmond, le père de Valéry, en 1922 par un décret du Conseil d'État et l'anoblit par la même occasion. Ils obtiendront la fin du plan calcul dès l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 par le rachat de la C2I par Honeywell Bull, une société française d'informatique sous pavillon américain. Cette énorme traite qu'il a toujours été dans le fond. C'est monsieur Giscard d'Estaing qui se fait enterrer avec un drapeau européen. On passera. Transpac n'en sera pas moins utilisé ensuite par le... et des terminaux ASCII, mais au prix fort d'un retard croissant et d'une indépendance technologique petit à petit perdue. Basculons dans une époque plus récente, les années 90. Les années de la nostalgie, les années de la joie, les années des baskets, les années des chewing-gums. Maintenant que le projet français a été abandonné, les rois de la gastronomie calorique l'ont repris d'une main de maître en la personne de Vinton Cerf, l'un des fondateurs de l'Internet Society, avec pour mission de faire valoir les points de vue des utilisateurs d'Internet et de soutenir les groupes d'équipes techniques chargées de développer Internet comme l'Internet Engineering Task Force. Il a repris le projet Cyclades et y a développé le protocole TCP/IP, permettant de relier les réseaux entre eux. Il se base sur le concept de couche réseau qui constitue une voie de communication de bout à bout à partir des voies de communication avec ses voisins directs. TCP/IP en a 4. On va faire un petit peu de théorie, ne vous inquiétez pas, c'est pas long. L'accès au réseau. Le transport physique, ou comment faire circuler concrètement les informations. Transmission par modulation sur ligne analogique. Ligne téléphonique RTC, numérique, ADSL, etc. Les réseaux de radiocommunication, radiotéléphonie sans fil, satellite 4G et la liaison des données se faisant par Ethernet ou comment les paquets sont transportés sur la couche physique. Deuxièmement, Internet ou comment trouver le chemin. Chaque paquet reçoit une adresse. On décide par où l'envoyer. Les paquets peuvent prendre alors des chemins différents. C'est ici qu'on retrouve le concept de datagramme. Nous avons ensuite la couche transport où on découpe, on numérote et on vérifie que l'information arrive. C'est notamment tous les protocoles de routage comme RIP, qui est transporté par UDP, OSPF, qui est transporté directement sur IP, BGP, qui est transporté par TCP. Putain. rien compris, moi. Enfin, la dernière couche sans caca de bébé qui sentirait le pain au beurre, selon mes amis parents, naît respectivement dans le Doubs et la Seine-Saint-Denis il y a 9 mois, un peu fou, l'application. Ce que veut l'utilisateur. C'est la couche la plus proche de nous qui définit ce que l'on fait. Ces programmes et les protocoles qu'ils utilisent incluent HTTP, le World Wide Web, FTP, transfert de fichiers, et non FDP, SMTP, messagerie, SSH, connexion à distance sécurisée, DNS, recherche de correspondance entre nom et adresse IP, et beaucoup d'autres. C'est un gâté, ça ? C'est un gâté ? Un gâté ! C'est champion ! Malgré la complexité d'explication, il est au final assez jouissif d'utiliser facilement et rapidement un outil de la sorte. C'est une révolution qui, au-delà d'avoir été à un mandat présidentiel pitoyable d'être français, nous sert au quotidien et qui évolue de jour en jour. Chez mes grands-parents, c'est Google Home à volonté, pour allumer la télé, pour éteindre les lumières du salon, et même pour faire des cookies. Qui dit révolution dit qu'il y a toujours une mauvaise utilisation de la technologie, souvent aveuglée par le profit, qui a servi les hommes, les met en esclavage et en concurrence, et les hôtes de ce qu'il fait d'eux des êtres humains, la liberté. J'espère avoir été clair et ne pas vous avoir trop perdu en chemin. Je vous retrouve dans 7 jours, montre à la main, sur un sujet fort complexe, mais essentiel à faire connaître, car grave, la pédocriminalité. Je vous ferai entrer dans cet enfer par les travaux du journaliste sportif Romain Molina qui l'a exploré par le prisme du football. C'était Théo Xérès le Furteur, à la revoyeur les amigos.